Bonsoir, vous écoutez Canal Sud de 92.2 FM ou canalsud.net. C'est pareil. Téléphone le 05 61 53 36 95. Poser la question. Il est actuellement 20h et 54 minutes. Et dans 5 minutes, c'est le début de nuisance. En rien. C'est justement sa fonction vitale, ainsi de suite, jusqu'à blablabla. Et puis, non seulement on trouve un chemin hors de ce bourbier, mais en plus, on finit par de rouler sur la table d'or. Enfin. Et un soupir de vagues relents de pile. Les autres, obnubilant le travers, des choses se séparent nulle part. Les obnubilantes traverses obliques, oblongues telles des oies sauvages volant dans la stratosphère. À 10 mètres, les canards flottent vers le haut, tout en ramassant à la pelle le guano. Les antres obliques qui se traversent ne permettent que l'évasive action. Fuite vers l'éternel n'amassera pas plus que l'être sublime. Sublime, sublimité, comme entropie des extrêmes extrémités. La vague anticipatoire réaction à un stimulus de l'anus, comme c'est dit, se fait en diagonale, genre plusieurs de la gauche, à la droite, à la gauche, respectivement. L'observation la plus concluante est une perte de notion respectueuse du monde, terrestriel, comme véniel ou miel, à vous de choisir. Bien qu'il n'y ait pas de bêta. Se tangue comme Tanguy la verdure, ou monsieur ou madame, ou mademoiselle X, entre guillemets. T'as la passion débordante de passion tergiversée. Discuter, disputer, trophée de fou. Fuit de chien, malte ou monde, cerise ou pomme, qui emporte. Bien que les témoignages se croisent et s'assemblent, issues privilégiables, tapissiables ou plutôt dévissables. L'ordre des lettres dans l'ordre des mots, dans l'ordre des phrases dans l'ordre, c'est un ordre divine escoiffure. Les misérables discutaillances comme taille de pierre, bien qu'il n'y ait pas besoin de traverser, il demeure un besoin ultime qui se fait sentir, celui des cils épilés, douleur de vivre. Where it is, when it is. When it is, it all seems wasted down to the old bucket, poofster of an old here goes nothing. Where there is, there are always of all. So that's where it all is, beginning of an old ram full of it. This is where it goes, nowhere but wherever. Of all there is, it is. C'est ainsi, c'est fait, c'est la chose. C'est ainsi fait, c'est la douleur. Pourquoi le faire? C'est ainsi dit. Que les autres nulle part ailleurs, c'est ainsi que les choses passent. Le trémolo s'installe et ainsi, pour ainsi dire, abject et putride, insatisfaction, moisie, voilà. La chose est lasse, de là-bas à ici, pour faire, pour dire. Je dis que c'est dit, c'est fini, c'est pour ainsi dire fini, damned. Je vois et ainsi, ça se fait, c'est dommage, pour faire, pour dire. One more time, I found out, but there is to see, so what? There's another man to play with. It's after it goes. There's nothing, so be it. There's nothing, and so be it. Too bad. Je suis sur une salle. C'est ainsi. Je suis sale. Ainsi je fus. Pour dire encore, il y a une façon de faire qui ne soit pas finie. There was another day where everything goes. For nothing. Il n'y a pas assez de salon. Ajoutons-en. C'est la fine histoire. The hair on the chest does not suffice. Too bad. Il n'y a pas à dire. Quand c'est, et c'est ainsi. C'est ainsi fait. C'est ainsi t'é. Ainsi t'es. T'es ainsi fait. Tu fais. fais ainsi les choses à faire, tu sais faire, tu décides ainsi de faire ce que tu es, ainsi fais-tu, tu décideras ainsi, faitement, de futer, le tal ainsi. Je te vois là-bas, derrière ta fausse moustache, Adolphe, je te vois devant ta statue, Mussolini, en fait, je m'en tape. Voilà, c'est ainsi dit, c'est ainsi fait, se décide de travers, se voit la turlupinance de l'Anjou sur un toast figuré. Figurement, figuratif, je vois la façonnance depuis des lustres, mais pas trop longtemps, bla bla bla, et puis voilà, c'est fini. Se vient, vite, la déprime est ainsi faitement, je te le répétais à la péter, deux fois rien pour deux coups dans l'eau, je vois le mélange inorthodoxe pour l'instant. Il n'y a rien qui ne trouve de hasard en tout, n'est-ce pas? Sans doute n'y a-t-il pas d'il y a en pas, il y a d'il y a l'angle. Revers de mer, de jaspe, sans doute sans pouvoir oublier. Maintenant, le coup se joue, le dé à coudre est à chier. Pour dire, il ne se peut que l'on fasse, ou fusse, ou je sais pas quoi, ou. L'instant se traverse, d'épaisse atmosphère crue et nauséabonde. Pourtant, le tertre est plein de fonte de l'innocent. Ainsi, il y a ainsi, il se trouve qu'en ailleurs, de mercredi à jeudi. La seconde ne résonne pas comme une autre sonorité semblante. Dommage. Arôme fraise. Banane. C'est meilleure banane. It's a milkshake mountain. Obstruction démentalisée. Mentalité défroquée. Car le fric, le chien, le spoil, on l'a trop vu atrophier les regards et l'attention. Ainsi soit-il, ou elle, que va devenir l'obstruction momentanée d'une phase mentalisée, oui. Car de ce fait, il permet à la permission de s'acquérir de droit, comme dans un filet de patates. Je déboise la forêt. That is what I like. As in always, comme de vœux, l'atrophie mentale se dévergonde, désenvisageable. Ouais, peut-être serait-ce permis que d'embrasser la main. Ainsi, c'est oui, car de toujours, il n'y a qu'en vrai, réellement ciel. It weaves a basket full of mirrors, grinding down an image of sort of shell. As in gasoline, it sheds its skin. The bottle, full of shedded skin, is as in always shed, pour. Déblatérer comme de sorte que bit chat ainsi, puis reposer l'élément sur une table d'envers, car ainsi va la vie, comme de turgescence et de misanthropie, mélancolique genre chiasse de merde pourrite, ouais, puis enfin, se puiser dans le puits très fond de l'abîme qui suinte, dans le port de la peau suintante de porc rôti à la broche à point, d'enfin il n'y a rien, que d'enfin il n'y a à la ligne. As it is. As it is, it seems remnants of a history, thus by swapped between two rays of sun, bathes, hemoglobin, and rature. Ainsi, c'est comme toutes ces fois, c'est et c'est comme c'est. La façon de faire ne diverge l'opinion que d'une pièce. À la fois les ombres et les traverses remuent, les baloches, tournoient, tel, comme moi, ou comme je suis et tout. Et tout se ballotte d'un côté puis de l'autre et ce n'en finit pas, de traverse et d'esprit. Cette sublime putride excavation of an animal. Animal is everywhere, anywhere, nowhere, but where is animal? Where is the somewhat transcendental hallucinogenic construct of a mind, which functions with or without organization, organized, past rupture, present, the focus of a sideway glance to whom no one shall know, the somewhat hollow ground, an adverse territory. Odeur de soufre. Souffre bâtarde, oui comme un nuit. Contre toi-même, même que je t'encule, petite merde, va chier, va crever, et crève de douleur. Souffrir, c'est bon, bon, pour toi, de moi. Chie-toi dessus, et crève dans ta merde, et ta pisse, sale chiotte. Puise dans tes réserves, cherche le bout du tunnel, et chie-le. Va voir tes manières et fais-y face, c'est là que t'es bon ou bonne à chier. Va chier sale merde, crève, qui crève ton bonheur. Chie-toi dessus et crève dans ta merde et ta pisse sale chiotte. Quand enfin tu sens le sens de parcours, souffler tes cheveux, un par un, tes espoirs te quittent. Tu médites, que de la merde, ressentir ce qu'est que la répulsion, c'est bon, crève charogne, puis quand enfin il n'y a qu'en rêve, c'est alors que tu perçois que tu vas crever comme une merde, comme toutes les merdes, qui sont-elles, qui sont-ils, tout ou rien, deux reins, deux yeux, chie-toi dessus et crève dans ta merde, ta pisse, sale chiotte, deux fois rien. Ce ne saurait savoir d'être, à être, il n'y a quoi que je. Question. Le nœud coulant, l'interprétable pour ainsi faire oublier l'oubli. Ce n'est pas la Canal première fois Sud. Que ce arrive ainsi fait 92 2. Devient accessible par inadvertance. 05 point à la ligne 61 je t'écris une lettre de scooter 53 36 95 et tu vois c'est la chose énervée que retrouve ce Canal sens. Sud les potes 92 là, 2 l'on les oublie tous autant qu'ils sont et l'on se souvient de l'éternelle jeunesse pour oublier l'essence le ciel nous comble de tous nos désirs en nous évitant le pire. Prions mes frères et sœurs de merde à continuelle farce. Il n'y a qu'un pas de là à ici. Lassé de la lassitude même, quelle est la solution naguère atteinte par nos devins? Devinant le dessin, courage et possible, dévisser la traverse. On se voit toujours de tous les côtés. Il n'y a pas de loi en vigueur. L'on se souvient ainsi de l'obéissance à l'autorité de l'autre. Notre ancien, je ne suis que pour viser juste dans ta face. Ainsi va la multitude. Ainsi va la vie de l'espoir à l'infini. L'infini, lui, se propage. Néanmoins, l'espoir d'un éternel renouveau de se transmettre dans l'esprit, pour ne pas tergiverser, je ne discute plus pour pouvoir l'entrer. Comme c'est dit, c'est fait, ça disparaît ensuite. Il n'y a plus rien qui compte et on s'oublie à être, pour ainsi dire, ouais. Je suis de ceux, 2-11-2009, à... Je suis de ceux qui voilent le regard des femmes en laissant le corps nu. Je suis de ceux qui gambadent heureusement, gentils, dans des fermes de guano. J'englobe l'intégralité pour parvenir au sommet de la terre. Faction enivrée de pervers débilité, enivrante et violente. Une obscurité, finalité. J'ouvre le regard, forçant la porte. Le blindage se retrouve fissuré par la nomenclature raturée. Je ferme les regards. Ouvrant sur le vide du sans-forme et je gerbe. Quant à l'ignorance, elle est viciée par une atmosphère de sang. Ouverture de cœur, compassion fratricide, le réseau à n'être que rien. Le néant enveloppe de son froid sénégalais et je pète. J'en pète de l'ivresse, annotée comme une notation tergiversée. Solution complète, problème, blafard, livide, atrophié, mais non, non. Je ne vois toujours pas la finalité obsessionnelle de la discussion. L'atmosphère, quant à elle, vite démesurément enfumé. la sommation n'équivaut pas à la somme de tous les êtres sensibles, mais quand apparaît le solutionnant complexe, j'ouvre les cuisses. Vous n'avez pas dit, vous le savez. La borne incendiaire ne me quitte pas. J'enflamme les portes et fenêtres pour ne pas permettre la fuite, plutôt pour l'empêcher, comme dans un mauvais film de travers, irradié, ultraviolet. Noir, rouge, rose, blanche et or ne suffisent plus à attiser la haine d'une génération de ratés discutaillant le professionnalisme. Entendez, usinage d'une pièce, chambre nuptialisante. L'ombre traverse les cieux, couverts d'entrain mesuré. La lumière, elle, fait son bonhomme de chemin par le siège de l'esprit par aujourd'hui. L'origine se faisant morceler, et bien, l'ivresse tangentielle traverse de cheveux à l'évité. Pauvre au riche, extrême étalage de savoir, de libellé, de mexicain, de discographie, je ne subis plus la longueur au milieu. Bien au contraire, la passion oblitérante poissonne, poinçonne, composte, puis vient l'horizon opposé, inversion du sens de la vie vers le bas. Enfin, l'assemblage n'est que partiel sans divine ou diabolique lumière. Le 7 est un jeu des lights. L'éclairage se rend manipulable et l'horizon proche et lointain se joue de nous tous, autant que je le sache. L'irrationnel déballage et désintéressement ne fronce pas d'ici. Et les sourcils des luminaires sont passés au peigne fin. Nous sommes comme nous savons, et nous vivons l'oubliable. Quand on sait ce qui s'ouvre, le sublime apparaît. Inoubliable jolie chose, une belle vintade m'intéresse pour repousser la grâce, la gracieuse divinité n'est pas pour relasser la lassitude humaine, même que les différentes histoires mènent tous au Rome, le lichen, la sublime, champignonnerie, là ne vaut pas la chandelle, ainsi, la morale, morale et immorale ne récolte que les pieux, piégés par tant d'immortalité, venant à croire en l'éternel. Je suis pris de tous les côtés par un versement non automatique qui m'immobile. Vers quel sage m'ouvrais-je aujourd'hui? Oui. Le bas des rois. Le bas des rois, le bas des rois. Le signe de paix de l'ombre est pour le sein. Le valet de Satan et Chat, dont le jar. Des whispers on the side of the mountain top. Il est night of one whose goldfish cannot think. La pensée, débilitance de l'occupationnisme et la sieste. Tu pioches dans un excès de saucisses sèches. Ainsi l'obnubilance à l'exprimé de l'autre, ainsi l'antre obscur de la vie sexuelle. Comme je vis revolté sur le long du large, piochant derrière, par derrière la force, que les sucettes revient atrophiées du ciblé. La ciblette mal indiquée ne sente pas dans la tasse, le thé à l'avertement, le lèche le cul du trou, la balle persistant à zigzaguer, elle le suspend. Thing is to be worked upon, and that a solution is on page of rotten corners. As always, the wind of the colors feels past. Se déballe un phalas en puéril, souci d'inquiétude, qui puise dans un inquiétant. Semble to spoil, gâter la viande, salaison, rotten down. I quit, l'inquiétude me quitte, et je secoue les poches de la vie, platement crevée. Cette merde intransigeante ne permet plus les inquiétudes, je me quitte, et j'inspire, et j'expire sous le dos. Suivant le balancier, temporalisant, je me cule, l'espace suit, collant, graduellement, moribond et suave, je recherche. Tuer, la condition que l'on est, situation intrinsèque, entre un humain, je m'en fous, je m'en cœur. La débutante si c'est ce jour, futur lointain, la baleineuse m'a associé à ses lointains, pour maintenant se dessécher. Peut-être qu'il a pas réfléchi. Je saisis le combiné, dialogue avec autrui, le pose, le combiné, pendant que autrui dialogue avec rien, l'ignore me passionne, le rien, le tout rien. Le météore prend son envol, et le délire aussi. Par contre, l'introduction est pour finaliser les gens dans un infini débat. Excellente obsession, pas déraisonnée, activité trop agitée d'une quelconque façon, l'immobilité, l'inabilité, l'inaudibilité de la façon, façonnant, toujours faisant, la toute faisant comme l'humain, il vit entre jeunesse et l'esclavage, je puisais, puiser l'épuisette épuisée que je tiens serré entre le pouce et l'index, voyez-vous, me tenir qu'à une main, un doigt, pousser puis plus rien, pourquoi? J'insère une intimité certaine dans le poème et je circonflexe l'accent mis sur la toiture, le doigté, du tact tactile, ressenti sur l'éternel, abolitionnisme préventionniste à la colique santé. Je mets à balle, de bas là-bas, l'atrophie ou l'hypotrophie, mise sur le temps fort d'un cadavre puant. Et ensuite, je monopolise ainsi couramment. La transaction faite de fûts de chêne en or pour rien au monde, et les feux. L'amour permis par une auto, comme un mobile, où mes tics sont grassouillés et j'aime ça. Puis, encore une fois, je me permets la mansuétude et quiétude montée, âme divine amour de merde, puis rien, non rien, sauf le vide, le néant absolu, dissolution du complet en partie mise à bas. Je complète avec la tranquillité d'un paresseux, chez père, sur une branche de sol pleureur. Là, c'est bientôt fini ce bordel, rien de quoi. Fouetter un chien galeux, ou merde, et puis, puiser dans le puits sans tréfonds ni âme, l'absence hypertrophiée de la nuée bilante. Je mets à bas, je mets bas, je bats le jeu. Nous sommes des battants de porte. Nous voyons à travers le clair-obscur, ce qu'on veut dire, et puis encore, ce se garde d'être infini, wondrous sort of thing. De la surface. Sur un tact ordonné, précisé par point de chapitre, où sont les uns des autres, sur un travers de porc, sur un temps de graisse au vinaigre, et sandwich salade américain, kebab, max, galette. Alors si on s'y met tous, ma gueule, plutôt le chien éclate, en partie indigné, de discussions placides et stériles sur récolte de bacheliers, à cervical, en culotte, le maire du maître, est un libre chasseur, des trucs. Laissant la femme continue pour un antre de semblant de panne sèche, prétendant dément, folie absurde, je vois les ombres s'affliger de l'existence, car les choses sont cheloues, les choses sont bizarres, parce que les êtres vivants sur un semblant d'autochtone, sur le lit de moutarde confite à la merde, voilà, tout ça, pour tout gâcher, recommencer, ou oui, continuer pour ainsi dire, et faire la récompense dans le cul. Je vois un signal de bruit couvert de pu purulent, le bocal traversé de moindres avatars de récompense de net. La netteté est semblante à celle de l'autre, car même que la satisfaction of nowhere, de nulle part. D'ailleurs, où sont les êtres chaleur saucisse? Pour expliquer, remarques et conjonctions. Brevet dispo sur commande. 2,38 tonnes traversent sur fond de fond. La gorge, on sent chaud. Comme vin chaud. Ça pisse. Ça pisse. Avec un doigté factuel, la limite accessible est là, pour faire ainsi dire à la surface de n'être que là, avec une onde traversée d'espérante voie de condition. Là, il y a un troupeau de vachers, couvert de pustules vertes, comme olives vertes. Et autres, ainsi font les autres, marionnettes, qui humaient la sentence négligeable de tard en travers. La porosité ne défait pas le mal. Les choses se défont. Le dénouement continue. Blasphémé en travers de la gorge. La vision nocturne de l'autre avec les antres de Monsieur Lazare. Le fait que la défaisance ne défait que la faisance. Le terme à l'autre reste sur le savoir. L'homme sur un différent pense à la surface de l'azur. Puis l'accomplissement génial et puis tout le monde. Après il y a 20 minutes, c'est l'émission Nuisance qui commence. L'émission Nuisance avec un S entre parenthèses à la fin pour Nuisance sur Canal Sud 92.fm ou canalsud.net. Les anciens adorant le seigneur de l'anus enflammé. Je vous prie de m'excuser pour les interventions inopinées de notre animateur. Des soupçons pèsent sur la légèreté, inadvertance de l'arrivée d'autrui sur table rase et. En effet, l'enfant déboule sur bon dos. L'irrationnel se couche au travers du sol. Le chemin de fer, le chemin de vapeur, féroce. Profondeur de pelouse contractuelle, enfin. Elle s'y trouve, elle s'y fout, moelleusement. Disparate, appareil, décline l'œuvre. Se disperse sur le bout de doigts de ce monde. Pas nombre de doutes. Clair et obscur. seulement écrémé, fait des nuits, du ciel, des cieux. Et bienvenue sur Canal Sud, 92.2 FM, sur canal.net. Score de mots, les creuses arrivées sur le dernier maritime au cours. Une route de ratiocination, sur l'île des poires. Pêche dans la fraise se brise, et se pâle au cou. Et le soupçon de mort, un plaisir jamais, un peu. Hey John. So it's said to always be the one there and say. So it's always the way down to edit, without a view, you said it. You always be the single passionate way for dough. I say it, you know. You're the one to be on the way out of where you see the same old respect to yourself and other realization. Pain, you will always be the ones to see. Tu vois, comme absent, sans raison. Tu espères t'en sortir de ce terme. Moi, ya, ja, abandonne. Une prairie couverte de poissons. poissons dorés à leur fin. Ils se trémoussaient le long d'un gange en plastique. Au-delà de cette hivernale impression se trouvait un ogre fait entièrement de bouffe. En chantant nonchalamment, Rondel prit son envol, puis en cherchant un remède à son idée de mai, la nuit vit entièrement sa décrépitude d'apparaître. Je suis la nuit, dit-elle, en se plaçant à côté. Je vois le jour se pointer le téton en pensant à moi de la nuit. Je suis le sombre retard dans la leçon du jour, pensa-t-elle. Elle se prit par la main pour envisager la possibilité qu'elle, une obsidienne, du Népal en cyclomoteur genre mobilette, les passés rattrapent les rythmes endiablés, puis rien. Sauf un miroir secret caché sur la face de rat que je suis à la trace de coque dans mon éponge, de Cervantes à nos jours, les choses ne changeront pas à pas, car l'horizon troublé suit le mouvement d'une trop heureuse anticipatoire vérité. Et c'est là débute la fin de la cessation d'activité pour enfin établir une vérité maldite, maudite, maugréant quelques phrasés bénicules. La nuit porte le croire sur un dos de fer malgré le fait qu'il, le dos, puise sa force dans un passé de nuit. Je te vois, autre des mesures, mesurant la radiothérapie. Je te sens, autre désir d'être triflé, oublié. Pour te voir, l'autre te disparaît, ancre, ancré d'un ennui, valoir à l'autre bonheur. N'est pas la façon de faire homme du pied pour la vérité. Véritable histoire de l'infini, éternellement atrophiée de vie. Prise en levrette, d'autres espoirs, de merde, de mer. Je me hais autant que je te hais. Ainsi pour ainsi dire, jamais je n'oublie l'éternel. La nuit sans fond, il comble la joie, juste je l'encule. Oui, pour finir, la vérité se dissout en fait de travers. Traversant la voie, la vision juste de l'infini se fait obstruer par la conscience de la conscience. L'être-té fait appel au non-recours, à d'ultimes forces, surnaturel, être-té d'être pour fini. Ainsi, c'est la vie, que la chose défendre, défend. La chose se brise, sous l'effet de la chaleur, se fond, en comble d'être-té, incité absolu. De rien n'étant pas fait, l'ainsi est fait de flux cosmiques pour vérifier le temps, l'essence de l'être se défait pour ainsi faire de l'aube, la rumeur se défait pour étendre sur l'être un absolu intérieur rumeur, la vision nocturne, la voix. C'est enfin le moment de vérité, la tanière se défait en vérité, la voix se dissout en factions fondues en trombe, pour enfin, la fin, durant s'imploser, s'exploser autre chose, voilà c'est comme ça, ça se fait en faisant. Le fait est que non, l'on n'en fait jamais assez, et pourtant, le reste limpide de cette dite vérité est absolument absoute d'ainsi. Le recours, ultime secours, n'est disponible que de droite, privilège des haies, renards, mais pas, ainsi que je ne doive pas ralentir, n'est pas la fusion des choses dans l'idéal, conversation, vers la droite tangente, j'aurais préféré passive, mais j'ai pas que ça, c'était pas une participation. Il y a juste un arc en ciel de merde. Ainsi, l'événement participatif ne débloque pas de vers une intime finitude. Finalement, c'était cuit, d'inspirer. Muselière, record, trademark, go. Les misères humaines ne semblent pas traverser la bêtise irrationnelle des pleurs incessants. J'y crois pas. Non que ce ne soit l'irrationnel ciel noirâtre, mulâtre même, de la foultitude même que j'y suis, puisque l'événement mystère, inconnu et introuvable, l'aveu confessionnel, nuit à l'ambiance sonore, sexe, sexe, sexe, l'on veut du pain et des jeux, bordel de merde, c'est cuisant d'obligeance cette attitude, cru, malodorant, ou presque imperceptiblement, spontané. Le démenti raison de n'être qu'en travers. Le système ne m'a pas convaincu. Pouvoir incessant, sexe, sexe, sexe, l'on pourrit à jamais la queue, la chatte, le cul de merde qui pue l'ancienne ferveur à dominer. Passément et seulement voilé ou dévoilé, mais pas contribuable. Fin. Je vois, et ainsi, ce se fait. C'est dommage, pour faire, pour dire, on est en train de find out what there is to see. So what? There's not a man of the plain one. So here it goes. There's nothing, so be it. But there's nothing, and so be it. Too bad. Je suis sur une salle. C'est ainsi. Je suis sale. Ainsi je fuis. Et dire encore, il y a une façon de faire qui ne soit pas finie. There was another day in her where everything goes, for nothing. Il n'y a pas assez de sel dans l'eau. Rajoutons-en, c'est la fine histoire. The hair on the chest does not suffice. Too bad. Il n'y a pas à dire. Quand c'est, et c'est ainsi. Ainsi fait. Ainsi fait. Ainsi, t'es. T'es ainsi fait. Ainsi les choses à faire, se faire. Décide ainsi de faire ce que tu es. Ainsi, t'es, tu es. Tu décideras ainsi, bêtement, de quitter, de tal. Le tal ainsi. Je te vois là-bas, derrière ta fausse moustache, Adolphe. Je te vois devant ta statue, mon souvenir. En fait, je m'en tape. Voilà, c'est ainsi dit, c'est ainsi fait, se décide de travers, se voit la turlupinance de l'enjeu sur un toast figuré. Figurement, figuratif. Je vois la façonnance depuis des lustres, mais pas trop longtemps. Bla bla bla. Puis voilà, c'est fini. Ce vient, vite, la déprime, est ainsi, bêtement, de le répéter, à la péter, de croire rien pour deux coups dans l'eau. Je vois le mélange inorthodoxe pour l'instant. Il n'y a rien qui ne trouve de hasard en tout, n'est-ce pas? Sans doute n'y a-t-il pas 10 milliards en pas, il y a 10 milliards landes. Revers de mer, de jaspe, sans doute sans pouvoir oublier. Maintenant, les coups se jouent, le dé à coudre est taché. Pour dire, il ne se peut que l'on fasse, ou plus, ou je sais pas quoi. L'instant se traverse, d'épaisse atmosphère crue et nauséabonde. Pourtant le terre est plein de fonds, de nuançons. Ainsi, il y a ainsi, il se trouve qu'en ailleurs, de mercredi à jeudi. La seconde ne résonne pas comme une autre sonorité cinglante. Dommage. Non. Say something, except I just don't know what to do about it. So I'm gonna say nothing. Nothing. Nothing at all. bienvenue en enfer. Thank you.

pouvoir un jour se faire un peu de tennis maintenant. Je pense qu'on va voir après. m'excuser pour la musique qui passait à l'instant sur cette antenne. La musique, c'est donc pas tout à fait le contenu de nuisance qui l'autorise. Donc c'est pour ça que j'ai coupé. J'ai coupé la musique et on va remettre un peu de bruit. Que Nuisance est une émission à but non lucratif et qui s'encule soi-même, un grand standard. Je rappelle que le téléphone est le 05, le téléphone est le 05 Fallu. 61 53 Baba. 36 Bien. 95, le téléphone c'est le 05 61 53 36 95 et si vous appelez vous aurez peut-être la chance de passer à l'antenne de Canal Sud, quelle chance. Le 05 61 53 36 95 au 40 rue Alfred Duméril, 31 400, Toulouse, France. Welcome to France, motherfuckers. You're listening to Nuisances. Say what? Nuisances fucks itself in the ass. Fallu. Qu'est-ce que tu dis exactement? Ça fait chier, c'est ça que tu dis? Bah dis-le. On se fait chier! Maintenant, voyons! Fait pour Steven! Le fond de la lune. Fais de la Salut cendre. Salut Steven. Fais de la cendre. Retour à la base dans 3, 2, 1, décollage. Ouh, yeah baby. Fais pas beau film. Nothing but who? We're never gonna make it. We're all gonna shit. Give me the OP. So it can be OP. I'm freaking first. Thanks, niggerette. Yo petit. Fais pas beau fible. Pas le Steven. Ah putain, excusez-moi, j'ai roté au micro. Putain, quel con. On a sous le mic. Si tu suis du huc, t'es en rien. Si t'es en chien, tu suis du huc. N'oublie pas qu'il y a des gens comme toi au bout du mic. C'est vrai, il y a des gens au bout. Au bout. Tout au bout, même. Au bout du rouleau. Mais il y a du rap là. Musan, c'est une émission d'expression libre et de musique brutiste. British. Noise music. Music. C'est une émission de musique, de grande et belle musique. En instance. C'est purement trompé de passion. Spécial dédicace à Steven. Canal Sud est une radio sans dédicace, je vous rappelle. Fuck la dédicace pour Steven. Mais pas fuck Steven. Fuck la dédicace pour Steven. Sex Steven. Non, je n'ai pas dit cela. C'est un mensonge, tu mens. T'es un sale menteur. Je n'ai pas dit fuck Steven. J'ai dit fuck la dédicace pour Steven. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. T'as compris Steven? Téléphone 05 61 53 36 95, t'as compris j'espère. T'as pas d'alu, c'est du son d'alu. Un grand moment de solitude. Pire du pavot, pavot. Ce n'était pas un bruit de tassement de joint que vous avez entendu. Celui d'un moustique. Thank you. tous les manouches et les gitans. Je tire une cartouche de temps en temps. Ouais, vive le fascisme. À mort la paix. Vive la guerre. Pour tous les nuisibles qu'on a pris pour cible. Nassoul, ça joue sensuel avec le micro. Alors, si vous voulez vous présenter, c'est le moment. C'est là. Ici, c'est blanc. Je vois, ouais. Et Zélig. Ici, c'est Zé. Ce qu'on a envie de pioncer. Le chien du micro. On reste un chien. Ceux qui ont oublié de nourrir le singe. Singe. Depuis ouais. Deux ou trois jours. Feed the monkey. Yes, tel est mon discours. Feed the monkey. Feed banana to the monkey. Give them what to eat. Give the monkey to eat. Man, banana. I'm addicted. I'm a junkie. I want a banana. That's what I got to feed the donkey shit. Gimme banana. Gimme. There ain't no bananas for the monkey. Throw peanuts at the monkey. You wanna see my monkey? No thanks. Ici c'est la meute. On est tous en chien. Que moi. Tous les Algériens marquent le match de foot, j'en ai rien à foutre, mais je veux de la. Je veux de la Zeb. Je veux de la Zeb. Je veux de la Zeb. C'est pas glorieux. Fais tourner ta Zeb, ouais, Mike, ouais. Mexicano. Ça louche. C'est si bizarre. C'est mes groupes produits des Césars. Tu trouves ça si bizarre? Vas-y, sors ta Civica. Mais c'est pas tout bizarre. On est les mêmes. C'est bizarre. Vas-y, écrase la cendre, man. Écrase-la pas. Casse la cendre. Gratte la cuillère. Passe-moi ta paille. Ouais. Respect. Tous ceux qui ont une cuillère comme frère. Ils se la mettent. Ouais. Tu vois ce que tu veux dire? Sois pas maniaque, sors ton ammoniaque. Sois pas maniaque, sors ton amour. Niac. Mi amo, mi amo, mi amo. Niac. Niac. Sois pas maniaque. Sors ton ammoniaque. Rien surtout, hein. C'est pas le moment. Zetla, Zélig et Zébulon ont envie de sépion. Arte immobile. Il a dit vos blazes à tous les deux, mais il a pas dit son propre blaze, le mec. C'est Zélig. Ah bon? Non, c'est... Je me rappelle plus. Ouais, ouais. Ils ont de la merde, ça, le premier. Zéphir. Lui partout là. C'est quoi ces bouts d'alu? Ça traîne. Là le tri ça traîne. Ici y a pas de héros, y'a que de la gloire. Direction l'avenue. Droit vers le but. Gratter la cuillère. Vas-y, fais de la cendre si tu veux pas te faire descendre. grosse bouse. Madame, vous habitez une chambre pauvre, mêlée à la vie. C'est en vain qu'on voudrait entendre le ciel murmurer dans vos vitres. Rien. Ni votre aspect, ni l'air ne vous séparent de nous. Mais on ne sait quelle puérilité plus profonde que l'expérience nous pousse à tailler les sans-fin et à éloigner votre figure et jusqu'aux attaches de votre vie. Une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité. Ouais, t'as sale face, faut que tu t'attaches. L'arbre. La rue. La nuit au père. Le mauvais rêveur. Madame, vous habitez une chambre pauvre, mêlée à la vie. C'est en vain qu'on voudrait entendre le ciel murmurer dans vos vitres. Rien, ni votre aspect, ni l'air ne vous sépare de vous. On ne sait quelle puérilité plus profonde que l'expérience nous pousse à taillader sans fin. Un ventre fin. Cher monsieur, peut-être me suis-je un peu indiscrètement substitué avec mes idées, avec mes préjugés, à votre souffrance, à votre singularité. Peut-être ai-je bavardé, là où il aurait fallu comprendre et plaindre. L'enfer sur terre. Visite guidée pour Tchernobyl, 250E cet été. Gargouille. Garganteur. Gorg. Ouais, c'est nous, l'espèce de noise. Bien sûr, Steven. C'est spécialement pour toi. Ouais, tu vois. Tu vois, on est là, nous. On est ici, tu vois ce que je veux dire. On est là, nous. Tu sais. On est Al. Ouais. On a des choses à dire. Trop de choses à dire, même. Tu vois ce que je veux dire. Empire. Ouais. T'arrives, on est empire. Beau caillou couleur et voilà. Pendant que moi je boite noir, car j'ai trouvé 5 dollars au fond de mon tiroir. C'est grâce à ça que j'ai pu me déplacer jusqu'aux Isards. Ouais, ça va. Ah oui, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous dites là en fait? Vous parlez de quoi là? C'est de moi. Hein. Absolument pas n'importe quoi. C'est pas important. Justement, il faut partager alors. Avec le plus grand sérieux que nous prenons la parole ce soir sur le 92 de FM. C'est ça. Anal Scud. D'ennuisance. On vient de chercher à Saint-Michel. D'ennuisance. Bien au fond de nuisance. Bien profondément de la nuisance. Ouais. On vient de chercher à Saint-Michel si tu veux. Partager avec le monde entier. Le savoir. À tout le temps. Excellent. Oui, du coup, ça doit être assez bizarre. Oui, oui. Bon, allez, ciao. N'empêche que je peux toujours te parler. Par des moyens interposés. Les reptiliens. Les reptiliens. Ils sont partout. Ils sont partout. Hello, brother. Give me some Goku. Give me some Smack. Yo. Same shit. C'est Nuisance actuellement, l'émission Nuisance qui se fait chier grave et qui s'encule soi-même, quoi. Donc que ce soit dit. Elle va te faire mettre. Carrément, allons nous faire mettre tous ensemble et hop, dans le même sac. Bagdad. Ah, dire si on se chier, je veux me le dire, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que... C'est pas parce qu'on fait rien qu'on se fait chier. Bon, d'accord, on fait rien. On est là, nuisance, et on fait rien. On fait rien, et on est nuisance. Nuisance, c'est son cul, ça. Fuck nuisance. On pas obligé de plonger dans l'anal. Anal scud. 92.2. Non, FM. Non, non. Fion. Oui, les sphincters sont pas forcément recto. Rectal. Non, les sphincters. Ouais. Ouais, donc la rétine, un des plus beaux sphincters que tout le monde aime à contempler. Le soleil aussi, si tu veux. Le soleil est beau, quoi, c'est ça. Donc, non, c'est pas toi, hein, c'est moi que je. Là, je parle de sphincter. Sphincter, pardon. Colon, colon rectal. Mais non. Cancer, cancer colorectal. Oh. Ah, c'était pas ça le jeu. Et pas dur en fait. Ah merde, ça craint. Putain, que j'ai dit, excuse-moi. Bon, bah, parler de sphincter n'est pas forcément dégueulasse. On peut parler du sphincter. C'est un peu chiant, c'est oculaire. Pas les... Oculaire, ocu, ouais, carrément. Ça me dit. Ah, l'air. Chier. Ouais, non. Fuck l'air, quoi. Fuck l'air. On n'a pas besoin de respirer, nous. On vit dans la merde. On vit dans la fange. Ouais, bon, je vis dans la merde, je vis dans la fange, j'ai pas besoin de respirer, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux parler comme ça sans m'arrêter et fange sans jamais respirer. Non. Let's call you Fangeman. Fangeman. Fionman. Fion. In Fion, man. Yeah, man. Fion. Rectification. Rectification. Vion. In Vion. Fion. Up your Fion. A lion in Fion. That's not my way, sir. Sir yourself, man. Suit yourself, sir. C'est assez. Cette chachotte chuchote. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait pas mettre le micro, justement. On était tranquillement en train de parler de trucs de base, tu vois, genre très terre à terre les choses. Et donc ben t'as qu'à faire de la cendre. Vas-y, coupe le micro. Thank you. 05 61 53 36 95. Adresse le 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France. Bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bad. Fucking is bad. Bad people. Bad. Fucking is bad. Very bad. Fuckers are sick people. Bad. Tenez les enfants, distribution de pognon. Achetez-vous plein de ballons. Bonne ta coque, je kiffe ta cam, passe-moi de l'opium, j'ai envie de boire du rhum, putain, c'est bon, la drogue, c'est bon. We'll be right back. canal-sud.fr, canal-sud.net, avec le 3W devant, Tech-Anse, comme Tech et Anse, ce soir, dans Nuisance. Thank you. assez nuisant cette émission actuellement en déploiement avec MNS TRL en ce moment même pour vous, avec un petit peu de hall derrière. Pour vous ce soir dans Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est actuellement 23h16 le vendredi 4 juillet 2014. Thank you. Yeah. advise that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... FM ou canalsud.net. Point de FM. Point de FM, vous écoutez 92. Point de FM, vous écoutez. Ceci. Point. Je me suis fait un panini avec ta mère ce soir. C'était bien. C'est bien les paninis sur nuisance. Avec du fromage. Plein de fromage fondu. De merde. Et de la merde. Je t'emmerde. Connard, je me fais un panini avec ta mère. Je la tranche. Je la prends comme une tomate avec du beurre salé. On n'est pas raciste à Canal Sud. On aime bien le sel qui vient de Chine. Chine, connard, on aime bien le sel, ouais. Chut, ta gueule. C'est pas grave. Connard, t'es salé. T'es gras, connard. On aime le beurre salé. Connard, on aime le beurre. Ouh, et le fromage de bite dans le panini. On le met entre les bitons. On kiffe. Tous les artisans. Et on kiffe pour tous les artisans. Fromager de France. Fromager AOC. Appellation d'origine contrôlée. Ah, mais moi de quoi sûr? Le fromage. Putain, fondant, comme ta chatte. Comme le jus qui sort entre les lèvres. Comme le secret que tu n'oses pas dire. Comme tout ce que tu caches, salope. On t'attend. Je t'aime. Je t'emmerde, connasse. Et ta mère, elle m'a pris deux fois. Et 3, et 4, et 12, et 75. Et que je t'aime, t'écoutes, radio éphémère, connasse. Putain, t'es trop chaud. Canal Sud, sans cul. Canal sans cul. Sans. Canal Sud, sans cul. Canal Sud, sans cul. Canal Sud, sans cul. T'en cul, canal. Et ta mère. Et je t'aime. Et t'inquiète pas, les ornithorynques sont les plus forts et vaincront le monde parce que la canalisation, la mondialisation et ta chatte seront maîtres. Oh oui, maîtres et maîtres et maîtres aujourd'hui. Oui, ils seront maîtres, seront maîtres, seront maîtres, seront maîtres, seront maîtres, seront te la maître. Nous sommes les ornithorynques raptors, vélocitas, connard. Yeah. Y'en a pas, y'en a que pour toi, y'en a pas, y'en a que pour toi, y'en a plus pour moi. Connard, tu les as toutes, tu sais. Les plus belles bites au fromage à hausser. Putain, tu les as sucées, les plus belles des bites du fromage à hausser. Putain, tu les as sucées, enculé. Laisse-en aux autres, s'il te plaît. Ouais. Allez, allez, ta mère. Deux. Parce que nous, on est chaud. Quoi ma merde, quoi ma merde. Et ta mère, ma merde. Ta merde. Quoi ma merde. Je la bouffe pas en tartare ta merde. Vas-y, encule-moi, je t'encule, putain, je te prends. Avec mon god. Prends-moi, retourne-moi avec mon god. Et de quelle couleur? Il est rose, mon god. Tu préférerais quelle couleur? Il est rose comme ça. Mais quelle couleur? Ta bite rose et jaune et mauve et bleu et parabolique. Et Dieu est rose et jaune et bleu et jaune et verte et putain de parabolique multicolore. J'aime ta bite multicolore. Je la bouffe, je la prends dans mon corps. Ta bite multicolore. Je fais de la noise, connard. Je sais même pas ce que c'est que la noise. Enculé, enculé, ma bite multicolore. Chez ta chatte. Mais si j'étais une croûte, j'aimerais bien me fondre dans ton cul. Fromage de chatte. Ouais. Oh là, je te plaît. J'aimerais lécher avec mes dents. Avec fromage de chatte. Avec dents. Avec mon majeur. Ouais, avec ton majeur dedans. En mineur. En mineur. Voilà. Des dièses. Ça, on est sûr. Je préfère la dure. Avec ta langue et toi, mon dièse, majeur. Les minorés, tu voulais préciser que nuisance est une notion d'expression libre. Je préférais dire que le fromage de bite est meilleur sur une tartine. Une tartine. Sel. Beurre salé. Salope. Crache-moi dans la gueule. Beurre salé. Salope. Hostile-moi dans la face. Et la Bretagne, et ça vous gagne. Et on s'en fout, nous c'est Canal Sud, cassoulet. Oh, les haricots dans le cul, ça passe à mieux que ma main. Le foie gras. dans tes tripes, connasse salope, cochonne lait, t'es qu'un cochon, t'es rien, t'es qu'une salope. T'es qu'une salope, t'écoutes. Allez, va en boîte, va au Shanghai, casse-toi, casse-toi. Va au Shanghai, casse-toi. On ne parle pas ici, Canal Sud. Et défense de fumer. Canal Sud représente la merde. Fumer des culs. La merde, ouais. La merde qu'on prend dans la bouche, qu'on aime, qu'on mâche, qu'on prend, qu'on apprend à connaître, qu'on savoure. Ouais, la brune, la noire, la verte, la jaune. Je suis qu'une salope, je suis qu'une celle salope. Qu'on aime, merde, la merde, merde, la merde qui sort de ton cul. Du cul, du cul, de ton cul, du cul, de toi. Toi, toi, c'est ton cul, t'inquiète, t'inquiète que c'est ton cul. Parle-moi de mon cul. C'est pas les potards qui vont me dire de quelle couleur est la merde que je quand je te parle, connard. Spéciale dédicace aux patates. Pas de dédicace sur Canal Sud, on vous encule. D'un amour, je t'aime si tu m'écoutes, Davy. J'espère. Bien compris, bon pas de course. Personnel que quand tu racles et racles et racles et racles le fromage de bite. Le fromage de bite, j'aime tellement le fromage de bite. Le manger, j'étale sur ta tartine de ta chatte, connasse. T'es qu'une connasse, ouais, t'écoutes. Radio éphémère, éphémère comme l'amour que je porte au fromage de ta bite. Éphémère comme l'amour que je porte au fromage de ta bite. Si je crie, peut-être qu'on va m'entendre. Tu m'entends? T'es con. T'as qu'une petite bite et sans fromage. T'as qu'une petite bite sans fromage. Une petite bite sans fromage. Une petite bite sans fromage. Grosse chatte. Cherche confiture de figue. Confiture de figue. Cherche bite avec fromage. De chèvre, s'il vous plaît. De chèvre. Parce que c'est mieux le chèvre avec l'atome des montagnes. Et de la confiture de figues. Parce qu'on est des pédés, parce qu'on est des pédés. l'orage. Rien de sûr. Que bien ou rien, connard, ta chatte. Putain, t'as pas trop mal, putain. Sur la radio. Oh radio. La salope. Je chie dessus. Je chie dessus avec mes mains. Je te pleux comme la grêle. Présage comme étant une grosse merde. Et que je n'aime pas les crimes de merde. Et même que j'aime pas trop la merde des autres. Même que j'adore te bouffer les troncs. Quand je la prends dans ma bouche. Entre mes lèvres, ce réceptacle d'amour, ce que tu as décidé de la merde, bébé, comme j'adore l'ingérer, la transformer et la bouffer. Entre mes lèvres, pleine de foutre, de merde. Comment je l'aime, je l'aime, je l'aime, je t'aime, je t'aime, je l'aime. T'aimes tout le temps dans la merde. Et Jésus m'a sauvé. Et il m'a dit, oh, le Seigneur, qui m'a un jour promis que je pourrais manger de la merde. Parce que j'aime beaucoup la merde. Parce que c'est marron et parce que c'est malin. Je tout seul les couleurs. Et la ramine, c'est une pierre très précieuse. Si t'as eu la diarrhée, bébé, n'hésite pas. Je la bouffe, je la bouffe. Ouhou! La différence entre ta diarrhée et la mienne, c'est juste 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ouais. Vous avez trop raison, on comprend rien. C'est trop bien. Rien, je t'aime. C'est trop bien. Je t'aime. Je t'aime. J'aime ta merde et je t'aime. Putain, que j'aime le micro, que j'aime et ta merde. Oh, je te mens. Je te mens. Oh, j'aime quand tu me prends et que tu mens. J'aime ton micro et ta bite et ta merde, connard. Tu me mens, c'est trop bien. Et radio FMR. J'ai mis le micro dans ma bouche, vous me croyez ou pas? Il est gros, hein. Il fait au moins... Oh, il fait au moins... 2 mètres de diamètre dans ma bouche et tout. Je l'ai pris, je vous jure. Et il est dans ma bouche. Ah, oh, il me fait gerber, bébé. Ah, oh, putain, le micro, je l'ai pris. Putain, bébé. Me mens pas. Je te jure, je te la goberai, je te le goberai ton mensonge, enculé. Rien à dire. Il y a des gens qui sont à terre qui ont rien à dire. Vous savez ça. Vous, Ah, oh, je me casse. Non. Sexuel. J'en ai rien à branler, des conneries, connard. J'en bouffe 10, des putains, petit déj, des petits doigts, connard, t'es pour ma. Et le droit de parole, c'est ça la liberté d'expression. La liberté de mettre mon doigt dans ton fion. Ouais, c'est ça la liberté d'expression. De mettre mes deux ou trois, quatre doigts dans ton fion. Oui, Canal Sud dans ton fion, bébé. J'en mets deux. Je mets la fréquence et mets-la bien sur ta radio. Un et deux dans ton fion, bébé. Mais je me suis pris pour un blague. Comme un psychopathe. Hey, si t'as peur de prendre une blague comme un psychopathe. Hey, t'as pas de la mania, connard. Vas-y, bébé. Fais pas ton maniaque. Va, charge de la maniaque, bébé. Hey, ayoupi. Ayoupi. T'as son la carioca. T'as son le cracarioca. Canal Sud, Canal Scud. Sur Anal Sud. Je te mets deux doigts, tu me mets deux doigts, tu kiffes quand tu mets la fréquence Anal Sud. Et tu sues l'anal. Et tu sues. Anal. Sud. Anal. Anal. Anal. Anal pour les mecs aussi. Anal. T'es qu'une salope, putain de anal shit. Anal canin. Anal le canin. Carré, toutes les manières d'anal. Attends, je te mets une sonde anal. Avec Camille. Avec qui? Son anal. Oh, t'as pu t'en mettre son anal, s'il te plaît. Arrête ma sonde anal. Comme un psychopathe. Canal. Anal. Du midi. Anal. En plein temps, bébé anal. Sud, mais on est à Toulouse, bébé, t'inquiète. T'inquiète. Jusqu'à le coco de Ziza. Deutschland über alles. Déglingué, je le suis. Thank you. Bienvenue sur Canal Suisse 92.2 FM si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en plein écoute de l'information. L'information actuelle, c'est qu'il n'y en a pas justement. On a alors aujourd'hui, les pages en France. Volées. Elles sont volées, les pages. C'est l'Allemagne, c'est beau grand blond. Allemand, c'est Bosch. On aime se les prendre, putain, dans la tâche. Putain, c'est Bosch, on aime se les prendre dans la tâche, putain. C'est putain de Bosch. Hi! Reich! Reich! Wouah, méga, yes! On m'a dit, reste tranquille, cousin. On m'a dit. Mais j'encule. Vas-y, mais te gêne pas pour les mêmes les commentaires autour et tout ça, t'inquiète. La postale, après, c'est parti. Fuck la tech. La tech, c'est fuck pas la pratique. Tech. C'est de la tech, connard. La tech, c'est comme le reggae. Tech, c'est comme le reggae, c'est de la merde. Oh, t'es dur. Non, on a dit non. Regga, putain. est bonne, c'est toi, putain, ta bite, putain, qu'elle est bonne, putain, ta bite. C'est dégueu ce que je dis, putain, comme... Putain, mon portable, il sonne, ça décolline. Tu spermes quand je t'aime, putain, réponds au téléphone. C'est vrai, tu m'aimes ? C'est génial, ça. On va faire l'amour, alors. Ouais, vas-y, on fait l'amour, allez. Ah, ouais, c'est bon. Ah, oh, c'est trop bon. Ah, oh, je t'aime tellement. Master Tom, ah, oh, c'est bon, allez, c'est bon. Oh, ouais. Oh, oh, oui. Bon, c'est vrai que oui. Moi-même, ça me donne envie de me toucher. Vite, oui, c'est ouais. Bon. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est trop bon. Oh, t'es trop bonne. Je t'aime. T'es trop bon. Je t'aime. L'amour, c'est bon. Et l'amour est dans le pré, peut-être. L'amour. L'amour. L'amour, t'achète. L'amour, je t'aime. Je devrais peut-être. Putain, Max, je vais rentrer avant ça. C'est cool. J'ai vraiment envie de bouger, de passer avec continuer. J'ai un sens du rythme. J'ai un sens. J'ai deux sens. J'ai trois sens. J'ai quatre sens. 400. 400. 500. 300. J'ai quatre sens. Seul ou dans ce monde de merde, putain, y'a pas un mec foutu de me faire mouiller, bordel. Faudra même que je me tourne vers les chats, putain. Comment qu'on fait pour mouiller sa culotte dans ce monde, putain, je sais pas. Tu sais, chibre, il faut le bon chibre pour réussir à bien mouiller. Parce que, mon chibre est noir et gros et noir. Et mouillé avec un chiffon doux. Avec un doux chiffon mouillé noir et noir. S'il te plaît. Oh putain, ça m'excite, putain, bordel de merde. Putain. Je veux du silicone dans le cul. Je veux du silicone dans mon cul. Je veux des seins. Je veux que tu mouilles, bébé. Je veux mettre mes doigts dans l'infini qui n'existe pas, bébé. Je veux les mettre mes doigts. Tu me laisses, s'il te plaît. Bébé, un bisou, un petit bisou. Allez, tout cul. Ouais. Ah, je t'aime tellement! Ah ouais! Dans ton cul! Ouais, ah, non, ouais. Non! Moi! Camille, dans ton cul, salope, je le vends. Je vais mettre mes doigts. Non, non! Dans ton cul! S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Aïe! Aïe! Aïe! S'il te plaît, un peu! À moitié, quand même, vas-y à fond! J'en ai un peu rien à foutre quand même! Fais un effort! S'il te plaît, viens! Fais un effort, vas-y, s'il te plaît. Ah bon, j'attends, je te jure, Allez. Putain. Super bon acteur. Baby. viens me foutre. Le foutre plein le cul, connard. J'aime ta bite dans mon cul, connard, putain, comment. Arrête, ça coule, ça coule sur le matelas. Tu veux pas nettoyer le matelas, s'il te plaît, avec ta langue? Oh, ça dégouline. Oh non. Ça colle, c'est dégueulasse. Putain, mais c'est bon, ouais, vas-y, arrête. Non, arrête, non, franchement, ça craint, s'il te plaît. Ah non. Clic, clic, poum, dans ton crâne, sur la place comme Beckham. Tout à fait, oui, ouais, en effet. Ouais. Alors, c'est clair. Alors, nous sommes d'accord. Ça coule. J'aime bien l'Allemagne, entre mes fesses. Parce que la France, sur mes seins. Ouais. Parle-moi de mes seins. Fromage de bite, par contre. Ah, je te parle tes seins, Parle-moi de mes seins. Parle-moi de mes seins. Parle-moi de tes seins. Non, non, de mes seins. Ah, tes seins. Ah, je te les touche, putain, je te fais des dessins. Crotte de nez dans le cul. Putain, crotte de nez dans le cul. Si je peux voir tes poils de cul sur la. Ah, la marche. On touche pas la marchandise. Marche. Quoi qu'on en dise. Morphale. Je bouffe les fesses d'Al comme une morphale. Ah ouais, je suis un animal, je te bouffe le cul. C'est vraiment agréable. J'aime bien qu'on me bouffe le cul. Ouais, j'aime bien qu'on me bouffe le cul. Je m'appelle Al. J'aime bien qu'on me bouffe le cul. T'écoutes, putain de canal, ce connard. T'écoutes mes conneries, yes. Oh. C'est comme si je te la mettais tellement profond. T'aimais ça, tu réapprends à te connaître en te faisant prendre à travers mes mots. Faire semblant. Moi je fais pas semblant de vivre, connard. Semblant de vivre comme ailleurs, dans la réalité. Je suis caca. Dans la réalité. La réalité, c'est qu'on se connaît. La réalité, c'est qu'on se connaît. C'est qu'on veut pas se connaître, on se supporte pas, toi et moi. Alors arrête de me lécher le cul pourtant, maintenant. Moi, pourtant, je t'aime, hein, et je te lècherai le cul jusqu'à la mort. Putain, d'accord. Ta merde, bébé, comment elle sent. Elle est bien sur ma langue. Wow. Ouais, trop bien. Et du coup, tu vois, tu vois l'âpreté du vin, le Bourgogne. Là, c'est AOP. Bébé, ton cul, Al. C'est AOC. Je te lèche le cul, c'est du rouge. C'est du marron. Je l'ai goûté avec trois doigts tout à l'heure. C'est meilleur, ouais, trois doigts, putain. Ah, c'est trop bon, ça. Ça viscose, tu veux pas me les mettre ailleurs, s'il te plaît. La viscosité. La viscosité. Tu sais pourquoi 99% des femmes. Parce que c'est des salopes. Parce que ça arrive partout. Non, tu sais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi putain de 99% des femmes. Excuse-moi, je vais le dire parce que là, faut que ça soit fucking radio. Parce que 100% des mecs sont des pauvres cons et connaissent pas la putain de. Ouais, c'est vrai, ça, je suis un pauvre con, moi. Pauvre con, vas-y. Tu sais quoi? Ah non, mais là, les gars, allez, ceux qui écoutent Canal, je suis un. Comme ça, on sera content. On pourra se branler. Non, j'ai planté. J'en ai rien à foutre de vous montrer mes seins, c'est pas ça, mais genre, ça me fait bien marrer ça. Qu'un pauvre con me dise ce que commence à jouer les femmes, quoi. Ça me fait bien, bien rire, quoi. Bah, c'est toi, tu viens de me dire, tu veux savoir pourquoi les femmes jouissent? Bah, moi, je vais te dire pourquoi les femmes jouissent, parce que y a pas un homme sur Terre qui connaît où il est le clitoris, bordel de merde. Pourquoi on devient Gwyn, putain? J'espère que c'est pas que pour ça. Ça va, je délire. Ouais. Je délire. Voilà, c'est fait. Je délire, toi. C'est fait un vrai bisou à la radio. Là. Un vrai bisou à la radio. Ouais. Putain, c'est ça l'effet que ça fait. Ah, je suis déçu un peu. Ouais, moi aussi, j'avoue. Je m'étais cru dans le vrai monde. Ça me gêne. En fait, ce monde n'existe plus. D'accord, ça m'excite plus non plus. Voilà, ça pas de bisous. Plus. Pas de bisous. En plus, t'as les cheveux qui grattent. C'est fini. Non, c'est pas fini, ça continue. Ça continue, j'ai les cheveux qui grattent, j'étais pour. Non, ça s'arrête. Danser un slow, c'est pas trop pour moi, je préfère pas danser en fait. On est en live. jamais, putain de salope, je t'ai jamais aimé. Putain de salope, je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé, connard. Putain, va te faire foutre, je te mets de toi. Autant que. Autant, salope, ton mythe et toi. C'est pour ça que je t'aime. Ouais, ça je préfère. J'y crois au moins. Oh, et c'est Canal Sud, bonsoir. Canal Sud te met deux doigts. Et c'est bien pour ça que t'as réglé ta radio pour l'entendre. Je sais pas c'est quoi la fréquence, mais toi tu sais. Et fréquemment tu te fais sucer. Papa, régulièrement je me fais. Papa. Tu me fais mal, papa. J'ai mal, papa. Oui, j'aime ça, papa. Putain, ouais. Ah, putain, papa. C'est fini, papa. Tu me l'as ruiné, mon cul, papa. Mais j'ai même plus osé me laminer, papa. Tu peux me la mettre dans tous les sens, papa. Mets la main dans tous les sens. Je suis déchiré, papa. Comment qu'on arrête la radio? Oui, non, c'est pas moi, papa. Papa. Al, ça marche ou pas là? Là, ça marche. Yes, ça marche, yes. Note le numéro de Karine. Canal Sud 92.2 www.canalsud.net. Pour nous appeler, c'est le 05 61 53 36 95. Je répète, vous kiffez Canal Sud, c'est Canal Sud, yes. 92.2 www.canalsud.net. Téléphone 05 61 53 36 95. Yes. Comme dit précédemment, c'était Nuisance sur Canal Sud. Ce le fut en tout cas. à vendredi de 21h à 23h. Et je vous rappelle que le 6 juillet, à partir de 19h, le vernissage au pavillon sauvage, Self-Destruct, Nicomix, Biotox, 2000 et Piac. Fuck les keufs, et c'est juste pour nous, les potes. Pavillon, dimanche soir. Ciao. Pendant 60 ans.